enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez, semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Daniel en votre compagnie, Yves à la technique pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. La programmation de ce jour, ça comprend du zouk antillais comme d'habitude. Une balade autour d'un mot, aujourd'hui c'est le mot kangourou. Pourquoi kangourou? Tout simplement parce que le voyage musical auquel je vous invite va avoir lieu en Australie. Et puis, en dehors du voyage musical, il y aura également trois coups de chapeau à Gaëtan Roussel. L'Australie, parlons-en. Bon, c'est un pays qui est entouré par les océans Indien et Pacifique. Alors, ce qui est surprenant, c'est la population, 25 millions d'habitants. C'est pas énorme, hein? Surtout répartis sur une superficie de 7,5 millions de kilomètres carrés, soit 13 fois la France. Eh oui, ils ont de la place. Les principales villes sont Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adélaïde. Elles sont toutes bâties sur la côte. Et la capitale, c'est Canberra, qui compte 400 000 Canbériens. La colonisation britannique a commencé par la fondation d'un camp pénitentiaire de 1030 personnes avec 736 prisonniers. C'était en 1788. Et à l'époque, en Australie, on y parlait plusieurs centaines de langues. Bon, actuellement, on y parle anglais partout. Et le pays est une monarchie constitutionnelle, parlementaire, fédérale. I'm Australian. I came from the dreamtime, from the dusty red soil plain. I am the ancient heart, the keeper of the plain. I stood upon the rocky shores, I watched the tall ships come. For 40,000 years I've been the first Australian. I came upon the prison ship, bowed down by iron chains. I fought the land, endured the lash, and waited for the rains. I'm a settler, I'm a farmer's wife, on a dry and barren run. A convict, then a free man, I became Australian. I'm the daughter of a digger who sold the mother lode. The girl became a woman on the long and dusty road. I'm a child of the depression, I saw the good times come. I'm a bushy, I'm a baffer, I am Australian. We are one, but we are many, and from all the lands on earth we come. We'll share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. I'm a teller of stories, I'm a singer of songs. I am Albert Namatjira, and I paint the ghostly gongs. I'm Clancy on his horse, I'm Ned Kelly on the run. I'm the one who waltzed Matilda, I am Australia. I'm the hot wind from the desert, I'm the black soil of the plains, I'm the mountains and the valleys, I'm the drought spirit of this great land, I am Australian. We are one, but we are many, and from all the lands on earth we come, we'll share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. We are one, but we are many. And from all the lands on earth we come, we'll share a dream and sing with one. Destiné aux enfants, Henri Daz, comme vous voulez, nous propose l'histoire du kangourou. Kangourou qui a cassé son miroir, chanson extraite de son album Far West, le kangourou Henri Daz. Voulez-vous que je vous raconte mon histoire? Celle du kangourou qui a cassé son miroir. Voulez-vous que je vous raconte mon histoire? Celle du kangourou qui a cassé son miroir. Il se trouvait tellement, mais tellement laid, quand il se voyait dedans si maigre laid. Il se trouvait tellement, mais tellement moche, quand il se voyait dedans avec sa poche, qu'il a jeté son miroir pour ne plus jamais se voir. Voulez-vous que je vous continue mon histoire? Celle du kangourou qui a jeté son miroir. Voulez-vous que je vous continue mon histoire? Celle du kangourou qui a jeté son miroir. Il se sentait tellement, mais tellement mal. C'est vrai qu'il n'avait vraiment plus le moral. Il se sentait tellement, tellement pas beau, qu'il se croyait repoussant comme un crapaud. Puis un beau jour, par hasard, il s'est revu dans une mare. Voulez-vous que je vous finisse mon histoire? Celle du kangourou qui s'est vu dans la mare. Voulez-vous que je vous finisse mon histoire? Celle du kangourou qui s'est vu dans la mare. Sur la surface trouble de la mare, voilà qu'il s'est soudain trouvé moins tocard. Il a vu son pelage moins râpé, lorsqu'apparut son image déformée. La morale de l'histoire, si t'en as marre de voir ton reflet dans le miroir, va te voir dans la mare. Dois-je être sincère ou bien me taire? Laisser planer le mystère? Ne rien lui dire? À quoi ça sert? Lui dire est nécessaire. Place au zouk, confidence, Kim. premier coup de chapeau à Gaëtan Roussel. Alors Gaëtan Roussel, oh, vous connaissez, c'est un auteur, compositeur, interprète et animateur de radio sur RTL2. Il est originaire de Rodez et c'est le chanteur des groupes Louise Attaque, Tarnac et Lady Sœur. Dis-moi encore que tu m'aimes, Gaëtan Roussel. Courir à perdre haleine, sous les étoiles, on nous voit à peine. La nuit chasse les dilemmes. Dis-moi encore que tu m'aimes. Des amours, des questions me reviennent. As-tu retrouvé les tiennes? Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Le soleil effleure les persiennes, les pluies vont être diluviennes. Sens-tu le parfum que le vent ramène? Dis-moi encore que tu m'aimes. Entends-tu la mécanique quand se déroule le générique? Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème, dis-moi encore que tu m'aimes. Dis-moi encore que tu m'aimes. La vie reste fragile tout de même, et ce trafic qui nous emmène. Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème, dis-moi encore que tu m'aimes. Australie, voyage en Australie. À voir absolument. Uluru, c'est certainement le site le plus célèbre d'Australie. Imaginez-vous un immense rocher, symbole du pays mais aussi de l'histoire aborigène. Et la grande caractéristique de ce rocher, c'est son changement de couleur en fonction de la lumière au fil de la journée. Couleur pouvant atteindre le rouge intense. Puis c'est également un lieu sacré pour les aborigènes. Sydney, bah Sydney, sa splendide baie de Port Jackson, les quartiers historiques de Darling Harbour et The Rocks jusqu'à l'Opéra, les plages dorées de Bondi ou Manly, à ne pas manquer le Royal Botanic Garden qui abrite des milliers d'espèces de plantes. Une magnifique collection d'art arborigène, ainsi que des zoos présentant les animaux d'Australie. Et puis n'oublions pas la grande barrière de corail, sur plus de 2000 km de l'océan Pacifique. C'est le récif le plus étendu au monde, et considéré comme la 8e merveille du monde. C'est le paradis des plongeurs, avec ou sans bouteille. Et puis il y a l'île des kangourous, où l'on peut observer en liberté Kangourou, pingouin, opossum, wallaby, émeu, koala, wombats et ornithorynques, entre autres. Ah, vous avez dit ornithorynques. Eh ben oui, on va s'attarder un petit peu sur cette bestiole, parce que c'est pas banal. Ornithorynque, c'est un petit mammifère qui pèse environ entre 1 et 2 kilos et qui mesure 40 à 50 cm. Alors, c'est un mammifère qui pond des œufs. Il a un bec de canard, quatre pattes, dont chez les mâles, les deux postérieures sont venimeuses. Bon, ça ne tuera pas un homme, mais ça peut tuer un chien quand même. Hein. Une queue de castor, et on pourrait croire qu'un lunard, et pourtant, il a une espérance de vie de 17 ans. Et puis bien d'autres merveilles. Voilà, et puis sur le plan de la chanson, eh bien, on va parler des Sunny Cowgirls, et non pas Cowgirls. Ah oui, je vois Yves qui se marre dans sa boîte, là-bas dans son aquarium. Je l'ai raté celui-là. Hein. Alors, les Sunny Cowgirls, que l'on pourra traduire par les Cowgirls ensoleillées, c'est un groupe de musique country, comme beaucoup en Australie, qui a été fondé en 2005, Summer, Sunny Cowgirls. Maintenant, c'est une chanson de 1961, à prendre au second degré, comme c'est souvent le cas chez Charles Trenet et ses chansons avec un sens caché. Alors Charles Trenet qui traite à travers les mésaventures d'un pauvre kangourou les difficultés du déracinement et les conséquences de la nostalgie. Et j'ai compris ce jour, ma foi, que tu allais mourir d'ennui. J'eus alors du chagrin de t'avoir ramené de si loin, sans savoir que ton bonheur c'était de vivre au pays de ton cœur, kangourou Charles Trenet. Kangourou, kangourou, mon gentil petit kangourou, aux yeux verts, aux poils roux, on t'aimait ici beaucoup, on t'avait rapporté du pays des grands étés, d'Australie, dans un lit, un petit lit de paille bien joli. Tu grandis, le jardin devint trop petit. À la fin, rassasié de jouer à saute-rosier, saute-lilas, saute-gazon, un beau jour tu fis un bond et franchis, c'est malin, le mur de la maison rue Saint-Paulin. Un gendarme qui passait s'écria, mais qu'est-ce que c'est que ce gros lapin de chou qui saute le mur de chez vous? Je lui dis, ce lapin, monsieur le gendarme, c'est un copain. Sans m'entendre, il t'emmène pour t'enfermer aux eaux de Vincennes. Nous venions le jeudi t'apporter des fruits confits. Tristement, tu regardais les badauds qui te badaient, et ton œil semblait dire, est-ce bien vrai ou est-ce pour rire ou pour faire une chanson que tu m'as fait jeter dans cette prison? Vint l'automne, les jours froids, et je compris ce jour ma foi, en venant un jeudi, que tu allais mourir d'ennui. J'eus alors du chagrin de t'avoir ramené de si loin, sans savoir que ton bonheur c'était de vivre au pays de ton cœur. Kangourou, kangourou, tu partis gentil comme tout, pour des lieux merveilleux où l'on voit passer le bon Dieu. Mais parfois, quand le soleil brise de ses rayons vermeils la pluie fine du mois d'août, je crois te voir là-haut, mon kangourou. Librement, librement, tu gambades au firmament sur de beaux nuages perchés. Tu t'amuses à saute-clocher, saute le toit de la maison, saute les vers de ma chanson, loin des cages, des verrous, et sans rancune pour moi, mon kangourou. Deuxième coup de chapeau à Gaëtan Roussel, Gaëtan Roussel qui fut couronné aux Victoires de la Musique en 2011. Meilleur interprète masculin de l'année, meilleur album de l'année, meilleur album rock de l'année, bah, il meurt partout. Hein. Je veux bien, bien, je ne sais pas, Gaëtan Roussel. Je veux bien avoir tort, avoir mal. Je veux bien souffrir encore, devenir pâle. Je veux bien creuser, je veux bien m'enliser. Je veux bien m'éperdre, perdre et reperdre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux bien fendre l'armure, viser le chaos. Je veux bien craquer au couture, tourner le dos. Je veux bien la monnaie de ma pièce qu'on me rabaisse. Je veux bien avoir faim d'être bien. Je ne sais pas. ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Australie, Australie. Depuis 50 000 ans, la cuisine de base des aborigènes d'Australie était à base de viande de kangourou ou d'émeus grillés, puis des fruits de mer, des miels et des baies. Mais plus encore, les vers, les lézards, les serpents et les mites étaient également des nourritures très prisées. Ah ben oui, il n'y a pas toujours eu des dindes truffées, des truites grosses comme ça, du saumon, du caviar, hein, Grigou. Depuis 1788, les choses ont bien changé avec l'arrivée des Britanniques et la cuisine à base de tourte, de steak, de côtelettes grillées et autres formes de viande. Spécialité australienne à ne pas manquer, le beetroot. C'est de la betterave avec laquelle on garnit le burger. Le meat pie. Un des plats emblématiques de l'Australie, c'est une tourte farcie de viande de bœuf et cuite à la bière ou au vin rouge. Le meat pie, oui, ça s'écrit, moi je vais vous l'appeler, hein, ça s'écrit M-E-A-T et puis plus loin P-I-E. D'Adélaïde est une tourte de viande au vin rouge dans une purée ou une soupe de petits pois à la menthe avec de la sauce tomate et ça c'est bien british. La pâte à tartiner veggie, pâte à tartiner à base de levure qui se déguste en fines couches sur un toast beurré. Il faut éluguer, mais il faut aimer le goût très salé. Hein. Comment c'est bon pour les chèvres, mais c'est bon pour ceux qui aiment. Et puis le biscuit Tim Tam, il se compose d'une couche de chocolat coincé entre deux biscuits secs, le tout enrobé d'un glaçage au chocolat. S'utilise traditionnellement comme une paille, et oui, on aspire à travers, lorsqu'il s'accompagne de café ou de thé. Les saveurs de votre boisson se mélangent au chocolat et au biscuit, lequel fondra rapidement en bouche. Ah ben c'est une expérience, il faut tenter. Et puis le Lamington, c'est un petit gâteau traditionnel. Alors là, c'est le gâteau national, c'est un gâteau éponge, nappé d'un glaçage au chocolat, et de noix de coco. C'est un symbole de l'Australie. Il existe même une journée spécialement dédiée à cette gourmandise. Le Lamington Day, célébré chaque année le 21 juillet. Eh oui. Bon, musique. Clone Curry Song, James Blundell. Along a sandy watershed, aligned with noble gums, was something of an enigma amongst the northern runs. Until the 1860s, when in no apparent hurry, Burke and Wills just wandered down and called the place Cloncurry. From the Flinders Plains to the Selwyn Range, from Bull Creek to the Gulf, from the Turpentine to the Mirror Mine, we chased the Mickeys out. From the Gidgee Scrub to the Quambie Pub to the creeks of Cubberoo, the cattle in the curry are the best we ever knew. But a poor attempt at pasture turned Ernest Henry West. And Copper in Cloncurry put his weary horse to rest. He bribed the local Calcadoon to where Big Bulla Copper lie. And they found the great Australian mine. Cloncurry began to thrive. From the Flinders Plains to the Selwyn Range, from Bull Creek to the Gulf, from the Turpentine to Mirror Mine, we chased the Mickeys out. From the Gidgee Scrub to the Quambi Pub to the creeks of Cubberoo, ah, the cattle in the curry are the best we ever knew. But the copper didn't last long and men fled north to gold. But some stayed back to try the hand with mobs like men of old. There was Kennedy at Carlton Hill and sheep out at the port, and they watched their bullocks thriving on the country they had sought. From the Flinders Plains to the Selwyn Range, from Bull Creek to the Gulf, from the Turpentine to Mirror Mine, we chased the Mickeys out. From the Gidgee Scrub to the Quambi Pub to the creeks of Cubberoo, ah, the cattle in the curry are the best we ever knew. Raising cattle now, and she turns them off the best. As men on stock camp bring fats in and truck them from the west. The mining days are all long gone, we're content to mill behind the lingering, lolling cattle, and thank Henry for his fine. From the Flinders Plains to the Selwyn Range, from Bull Creek to the Gulf, from the Turpentine to Mirror Mine, we've chased the Mickeys out. From the Gidgee Scrub to the Quambi Pub to the creeks of Cubberoo, ah, the cattle in the curry are the best we ever knew. Oh, I've lived on lamb and lived on pork and tasted corn on blue, but the cattle in the curry make the greatest potter's stew. La poche des kangourous intrigue toujours beaucoup. Mais qu'y a-t-il dans la poche des kangourous? Alors nous sommes allés poser la question à un enseignant, un ancien prof de maths, Bernard Sauvat. En 1976, dans sa chanson « Les kangourous », Bernard Sauvat y voit plein de choses. Vous voulez savoir quoi? Eh bien écoutez... Messieurs les kangourous s'amusent comme des fous. Que vois-tu dans leur poche, grelis, grelot, greloche? Nous les kangourous on s'amuse comme des fous. Que vois-tu dans leur poche, grelis, grelot, greloche? J'y vois les présidents qui se lavent les dents avant d'aller chanter à la télé. J'y vois les militaires qui jouent à l'après-guerre faisant l'amour comme du tambour. Messieurs les kangourous s'amusent comme des fous. Que vois-tu dans leur poche, grelis, grelot, greloche? Nous les kangourous on s'amuse comme des fous. Que vois-tu dans leur poche, grelis, grelot, greloche? Moi j'y vois des discours des hommes politiques qui crient la paix mais atomique. Moi j'y vois des banquiers qui crient la liberté, c'est hors de prix, on fait crédit. Nous les kangourous, on s'amuse comme des fous. Que vois-tu dans nos poches, grelis, grelot, greloche? J'y vois tous ces gens-là qui sont comme des loups, qui crient du fric et je m'en fous. Ils voient tous ces gens-là qui sont comme des loups, qui crient du fric et on s'en fout. Je vous en prie les kangourous, écoutez-nous. Faut balayer tout grelis, grelot, greloche. Alors les kangourous s'amusent plus du tout. Et chacun de sa poche grelis, grelot, greloche. Vient de sortir trois petits bébés kangourous. Trois petits bouts de chou qui vont balayer tout. dans ces trois kangourous, il y a trois kangourous. Ça fait neuf kangourous, plus nous, ça fait beaucoup. Et chacun dans sa poche a trois petits gavroches. Trois petits kangourous qui vont balayer tout. Encore, encore un coup, il en sort de partout. Des petits kangourous qui vont balayer tout. Encore, encore, encore, encore, encore un coup. Encore, encore un coup, il en sort de partout. Il bouge genou, caillou, genou. Il bouge genou, caillou, genou. Il bouge genou, caillou, genou. Il bouge genou, caillou, genou. Il bouge genou, caillou, genou. Il bouge genou, caillou, genou. Il bouge genou, caillou, genou. Il bouge genou, caillou, genou. Un zouk collector. Collector parce que version originale et intégrale. Un zouk de 2002, tout pas tout, Ali Anuel. Besoin Troisième coup de chapeau pour Gaëtan Roussel, récompensé par le César 2013 de la meilleure musique originale pour le film Camille Redouble. Là, Gaëtan Roussel nous interprète les belles choses. Toi tu disais c'est pas toujours, tu disais même c'est pas ici. Toi tu disais c'était la nuit, tu disais même qu'il faisait jour. Toi tu disais c'est pas l'amour, tu disais même c'est pas l'envie. Tu disais c'est une pause, un tout petit détour, où parfois chacun dépose ses souvenirs des belles choses, ses souvenirs des belles choses, ses souvenirs des belles choses. Toi tu disais c'est pour toujours, puis tu disais c'est pour la nuit. Toi tu disais c'est un secret, avoir le même c'est une idée. Toi tu disais c'est par amour, puis tu disais c'est par ici. Tu disais je te propose un tout petit détour, où parfois chacun dépose ses souvenirs des belles choses, ses souvenirs des belles choses, ce souvenir des belles choses, ce souvenir des belles choses, ce souvenir des belles choses. Toi tu disais c'est pas toujours, tu disais même c'est pas ici. Tu disais c'est une pause, un tout petit détour, où parfois chacun dépose ses souvenirs des belles choses, ce souvenir des belles choses, ce souvenir des belles choses, ce souvenir des belles choses, ce souvenir des belles choses, ce souvenir des belles. Des belles choses aussi à rapporter d'Australie. À l'objet aborigène par excellence, c'est le boomerang. Il amusera les petits et les grands qui s'entraîneront à le lancer pour le faire revenir. Alors on va en trouver en bois ou en plastique, bon, c'est selon votre budget. Et puis, pourquoi ne pas rapporter une œuvre d'art à la maison ? Cela vous rappellera l'étoile de Signac. Vous savez, Signac, de Seurat ou de Bégara, les peintres pointillistes. Les aborigènes utilisent la technique pointilliste, justement. Mais soyez prudents, exigez un certificat d'authenticité qui garantit la juste rémunération aux artistes. Vous pouvez ramener également des accessoires aux motifs aborigènes, comme les sacs, les trousses, les foulards ou même des cahiers. Et puis des bijoux d'opale. Opale, pierre précieuse, je ne parle pas d'opaline, mais bien d'opale. Les opales blanches brillent de tout leur feu, mais finalement ce sont les opales noires qui sont les plus recherchées. Enfin, si vous disposez de place, parce que c'est encombrant, et si vous tenez vraiment à embêter vos voisins, parce que c'est bruyant, ramenez un didgeridoo, instrument de musique aborigène qui émet de longs sons graves et vibrants et qui ne passeront pas inaperçus dans le quartier. Spirit of the Bush, Lee Kernaghan. He's staring down the barrel of another desperate day, pulls on his boots. He can't walk away. He's running on empty. He's knocked about and bent, but he'll still be standing when the river runs again. Is the spirit in the rock? Or pass the hat around? Is it freedom on the wallaby? Or a dusty patch of ground? Is it a waltzing Matilda? Or a hand upon your shoulder? Is this the spirit of the bush? She stares at empty cupboards, just like the day before. It's been so long, she can't take it anymore. But she digs a little deeper and somehow finds the strength. She keeps believing there'll be better days ahead. Is the spirit in the rock? Or pass the hat around? Is it freedom on the wallaby? Or a dusty patch of ground? Is it a waltzing Matilda, or a hand upon your shoulder? Is this the spirit of the bush? Was it there when young Ned Kelly stood up for those oppressed? Or when the brave young Anzac put their courage to the test? Or is it out there with the battler when he gives it one last try? It's through the darkest moments you see the spirit shine. Is the spirit in the rock? Or pass the hat around? Is it freedom on the wallaby? Or a dusty patch of ground? Is this the spirit of the bush? Yeah, yeah, yeah. Is the spirit in the rock? Or pass the hat around? Is it freedom on the wallaby? Or a dusty patch of ground? Is it waltzing Matilda? Or a hand upon your shoulder? Is this the spirit of the bush? Nous n'allons pas clore cette émission sans évoquer cette chanson, longtemps classée première dans le hit-parade des navets, j'ai bien dit des navets, qu'animait mon ami Jackie Simonin sur RAS 102 au début des radios libres des années 80. Jackie Simonin, chauffeur de taxi et animateur radio, cette chanson était sa préférée. Dans la gamme des navets, bien entendu, le cri du kangourou, odeur. On a bien souvent chanté le cri de tous les animaux. Le mouton qui fait bêle, le coq qui fait cocorico. Mais il est un animal dont on ne peut pas parler, car bien que ce soit anormal, personne ne sait le cri qu'il fait. Mais qu'est-ce que ça peut faire comme bruit un kangourou? Ça peut pas faire cuicui, ça peut pas faire miaou. Personne ne sait vraiment quel est le bruit qu'il fait. Peut-être que finalement le kangourou est muet. Qu'est-ce dès que le zoo ours s'éveille, on entend les hurlements des lions, des chacals et des hyènes qui font leur toilette en chantant. Y'a que le kangourou sous sa douche qui se lave sans dire un mot. Aucun son ne sort de sa bouche, bien qu'il gesticule comme Harpo. Mais qu'est-ce que ça peut faire comme bruit un kangourou? Ça peut pas faire cuicui, ça peut pas faire miaou. Personne ne sait vraiment quel est le bruit qu'il fait. Peut-être que finalement le kangourou est muet. Des explorateurs en folie, prêts à risquer leur peau, partir au fond de l'Australie pour enregistrer ce marsupiaux. Ils installèrent dans la savane des micros perfectionnés, mais les prenant pour des bananes, kangourou les a tous bouffés. Les savants de la terre se sentaient découragés par cet immense mystère. Quand la solution fut trouvée, c'est un pickpocket par hasard qui a découvert ce qui cloche. Si le kangourou est pas bavard, c'est qu'il a sa langue dans sa poche. Mais qu'est-ce que ça peut faire comme bruit un kangourou? Ça peut pas faire cuicui, ça peut pas faire miaou. Personne ne sait vraiment. Bien, c'est une chanson qu'on entend plus souvent, et pourtant elle fait partie du patrimoine de la chanson française, le cri du kangourou, odeur. Voilà, c'est ainsi que prend fin Patchwork. Il me reste à remercier Yves pour la régie technique, et vous les auditeurs pour nous avoir écoutés. N'oublions pas que la musique s'exprime dans tous les pays du monde, ainsi que dans toutes les régions, et vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook, intitulé « La cerise sur le canto-patchwork », où vous retrouverez les podcasts des émissions précédentes. Le prochain patchwork, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, n'oubliez pas « La cerise sur le canto ». En attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2 et sur le net fagette.net. Au revoir.